Au cours de la lutte révolutionnaire anti-japonaise, le président Kim Il-sung a publié beaucoup d'œuvres classiques éclairant la voie de la révolution coréenne. Plus précisément, il a publié ses œuvres, notamment « La voie de la révolution coréenne », rapport historique prononcé lors de la conférence des cadres dirigeants de l'Union de la jeunesse communiste et l'Union de la jeunesse anti-impérialiste, convoquée le 30 juin de l'an 19 du 1930 à Kowloon, organiser et déployer la lutte armée contre l'impérialisme japonais, à l'occasion de la création de l'armée de guérilla populaire anti-japonaise, pour étendre et développer la lutte armée à l'intérieur du pays, à l'occasion de la mise en place de l'organisation du parti, pour élargir et renforcer les organisations du parti de l'intérieur du pays, le gouvernement révolutionnaire populaire est un pouvoir populaire authentique, programme en 10 points de l'Association pour la libération de la patrie, et nous préparer au grand événement de la libération de la patrie. Ses œuvres étaient la puissante arme idéologico-théorique pour la réalisation de l'historique cause de libération de la patrie.